Chapitre 42. Page 273. Exercice 4. 1. L'annonce de la nomination de ce nouveau ministre a été une très grosse surprise. 2. Nous sommes très bien placés pour savoir ce qui se passe. 3. C'est Victor qui a suggéré l'idée de cette réunion au ministre. 4. Tout d'abord, on a cru à un accident, mais on s'est vite rendu compte que c'était un crime. 5. Cette partie de l'Europe a vu de très nombreuses batailles au cours des siècles.